Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Déjà, échouer dans la vie, ça n'est pas simple. Mais alors, échouer aux échecs, c'est encore plus compliqué. L'échec aux échecs, autrement dit, le méta-échec. C'est avec vous qu'on va en parler, Maxime Vacher-Lagrave. Vous êtes l'un des trois plus grand joueur d'échecs au monde. Et alors, j'ai cru comprendre déjà que lorsqu'on jouait avec les Noirs, eh bien, on avait 52% de chances de perdre. C'est déjà pas mal, ça. Pas exactement 52% de chances de perdre, puisqu'il y a le match nul, mais on améliore nos chances de défaite, oui. Pour quelle raison ? Les Blancs commencent, donc ils ont l'avantage du trait, ils possèdent l'initiative, et comme... Pour perdre, c'est beaucoup mieux d'être en défense. Il faut vraiment commencer avec les noirs. C'est ma couleur préférée, d'ailleurs. Parce que vous avez réussi, Maxime Vacher-Lagrave, à gagner, même lorsque vous avez les noirs. Oui, j'ai gagné certaines parties très importantes avec les noirs. Forcément, ça permet de faire la différence quand on remporte comme ça une partie qui forcément s'engage mal, puisque... Normalement, on se contente d'égaliser, mais si on en a l'opportunité, on se prive pas. Ce jeu est un puits sans fond. Après seulement 4 coups, il y a plus de 300 milliards de possibilités. Autre idée, évidemment, on se dit qu'aux échecs, ce qui compte avant tout, c'est la capacité de se concentrer. Vous déconcentrez souvent vos adversaires pour les faire perdre. Alors non seulement ça, mais en plus je me déconcentre moi-même, puisque au gré des parties qui peuvent durer 5 à 6 heures, voire plus, forcément il y a des moments, il y a des sautes de concentration. Alors non seulement quand c'est pas à mon tour de jouer, auquel cas je peux me lever, je peux aller boire un verre, pas alcoolisé, malheureusement, ça augmenterait mes chances, mais même à mon tour de jouer, je peux être devant l'échiquier, être... En apparence en train de réfléchir, mais au final, non, je pense à complètement autre chose, au match de foot de la veille, au match de basket, à une chanson, n'importe quoi. Comment on déconcentre un adversaire aux échecs ? On peut faire des grimaces, c'est pas mon truc, mais ça s'est déjà vu. Mais en général, de toute façon, chaque joueur est un peu dans sa bulle et pour déconcentrer quelqu'un, il faut qu'il soit en posture de se déconcentrer, donc qu'il soit... En général, en tout cas c'est mon cas, quand je suis mal à l'aise, je suis plus propice à la déconcentration. Alors s'il y a n'importe quel bruit dans la salle, je vais l'entendre, mais uniquement quand je suis mal à l'aise, quand je suis en confiance, rien ne me perturbe. Est-ce que l'on pourrait dire que finalement, l'intimidation, bref, toute une série de choses qui ne relèvent pas de la technique pure, peuvent vous aider à échouer lorsque vous jouez aux échecs ? Certaines situations sont forcément plus difficiles à appréhender et voilà, il faut être prêt à affronter n'importe quelle situation. Donc forcément, je suis plus en confiance quand je gagne et chaque échec amène l'échec, donc pour les parties suivantes. Et forcément, chaque joueur vit ses périodes de doute. Et également, évidemment, chaque partie est un combat psychologique de tous les instants. Il faut réussir à rentrer dans la tête de l'adversaire, réussir à semer le doute avec ses coups. Des coups, par exemple, qui un peu surprenants, qui n'ont pas forcément été prévus par lui. Ça, c'est toujours un des plus grands objectifs dans une partie. Il y a plusieurs expériences qui ont montré qu'au cours d'une partie, le rythme cardiaque du joueur peut approcher les 200 pulsations par minute, que la tension artérielle peut elle aussi monter en flèche et que les variations du rythme cardiaque au moment de déplacer sa reine ressemblent à celles des pilotes de Formule 1 dans les chicanes d'un circuit. Jouer lentement, c'est une bonne manière de perdre ? Jouer trop lentement, c'est une très bonne manière de perdre puisque les parties sont chronométrées, donc quand on dépasse le temps perdu, on perd. Et pour le reste, lorsque l'on passe trop de temps à réfléchir sur un coup, parce que j'ai cru comprendre, Maxime Vacher-Lagrave, que l'une de vos qualités, c'est que vous jouiez très vite. Oui, j'ai cette tendance, oui, en effet, à pas m'éterniser sur une position et en général à mettre la pression autant sur mes adversaires. Et une de mes règles, c'est de jamais dépenser plus de 20-25 minutes sur un coup. Alors, à moins que 20, ce soit... 25 minutes, c'est quand même une éternité. C'est une éternité, mais sur certaines parties, j'ai vu des joueurs réfléchir une heure et quart sur un coup. Et en fait, déjà, c'est rarissime, évidemment, j'utilise 20 minutes sur un coup. Mais quand c'est le cas, je me force au bout de 20 minutes, même si j'ai pas pris de décision, d'en prendre une parce que de toute façon, je sais que ça risque de pas être la bonne si je suis dans cette situation. Donc à partir de là, bon, bah, je peux même faire un pile ou face dans ma tête et on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit lorsque vous réfléchissez une demi-heure, une heure sur un coup, Maxime Vachier-Lagrave ? Généralement, c'est que la situation, sans forcément être mauvaise, est au moins inconfortable. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment quel coup je vais jouer, quel plan je vais... Par exemple, quelles sont les situations où vous êtes le plus dubitatif ? Dans quelle position des pièces aux échecs ? Ce que j'aime, c'est avoir un plan. Alors, soit c'est simplement, il y a juste à calculer ce qui se passe et il faut aller le plus loin possible. Mais dans beaucoup de situations, il faut pouvoir se projeter et réussir à savoir où est-ce que, idéalement, je vais placer mes pièces. Et ça arrive qu'on soit dans une situation un peu passive, je ne sais pas trop ce que je vais faire de mes prochains coups, je ne sais pas du tout à quelle position j'ai envie d'arriver, parce que tout me semble un peu douteux, et c'est là que je peux me perdre un peu et juste me dire, bon, à un moment, il faut y aller, il faut soit tenter justement d'ouvrir le jeu et y aller au petit bonheur la chance. Parfois, il faut se dire ça, et voilà. Échec. Le grand maître Lipskin remporte la 8e partie. Lipskin, 3, comme 3. Quelqu'un qui perd aux échecs, c'est quelqu'un qui ne parvient pas à jouer plusieurs coups à l'avance, vrai ou faux ? C'est vrai, puisque de toute façon, il faut pouvoir se projeter. Il y a toujours des variantes concrètes à calculer, et là, il faut toujours être prêt à, au minimum, voir 5-6 coups à l'avance, et pour certaines situations, beaucoup plus. Donc, oui. Alors après, évidemment, c'est loin d'être la seule qualité, mais c'est une des qualités essentielles. Vous jouez combien de coups à l'avance ? En général, en partie, je vais pouvoir regarder certaines lignes. Donc, en général, ça va être du 4-5 coups à l'avance, hein, encore une fois. Mais dans certaines situations précises, ça peut être 20-25 coups, autant qu'il le faut pour justement pouvoir voir au bout de la position. Donnez-nous des exemples où vous jouez 20 ou 25 coups à l'avance. Dans quelle position des pièces ? Alors, c'est très souvent quand il y a très peu de pièces sur l'échiquier et que tout doit être calculé au millimètre. Ça peut être, par exemple, des finales avec que des pions, et il y a des courses de pions pour savoir lequel va atteindre la 8e rangée le plus rapidement, puisque à la 8e rangée, le pion se promeut en dame, enfin, généralement, et du coup, la dame va pouvoir ensuite contrôler tous les pions adverses, donc ce qui donnera un avantage décisif. Course de pions, quand il y a en plus, par exemple, un fou et une tour, qu'est-ce que ça change ? Alors, quand il y a un fou et une tour, ces pièces-là vont permettre justement de bloquer les pions, ou voire de les manger s'ils s'aventurent trop loin. Donc, évidemment, ça change complètement la donne. Mais après, il y a des positions un peu spéciales où, justement, il y a des thèmes. Et il faut calculer vraiment le plus loin possible et le plus précisément possible. C'est souvent que ça se joue sur des tailles, la position d'une pièce qui varie d'une case et tout devient changé. Qui lui a montré tout ça ? Il a appris tout seul. Et si je lui retire les pièces, il joue dans sa tête jour et nuit. Je peux vous assurer qu'il a un potentiel immense. Le prodige américain des échecs. Une bonne manière d'échouer aux échecs, Maxime Vachier-Lagrave, c'est de ne pas maîtriser certaines pièces. Il y a des pièces plus compliquées à maîtriser que d'autres aux échecs, selon vous ? Alors, il y a des pièces qui se déplacent différemment, forcément. Je pense évidemment au cavalier qui ne suit pas... C'est compliqué à maîtriser, le cavalier. Forcément au début. Alors après, bon, bah, ça fait belle lurette que je l'utilise, mais forcément, utiliser un cavalier avec une autre pièce, par exemple une dame, ça requiert une certaine agilité mentale, on va dire. Après, toutes les pièces vont devoir être utilisées justement en connexion avec une autre. C'est un des principes fondamentaux aux échecs, c'est que les pièces doivent collaborer entre elles pour suivre un plan. Justement, parce que je crois que ce qui prédomine dans votre livre, c'est effectivement l'idée qu'il faut avoir un plan, comme vous le dites, une stratégie. Et ça, c'est pas évident lorsque on est débutant comme moi aux échecs. Et l'autre idée, c'est que finalement, il y a une capacité des pièces, alors grâce à vous, hein, parce que les pièces, elles se coordonnent pas elles-mêmes, mais vous arrivez à prévoir conjointement votre jeu. Oui, c'est ça. Alors après, quand on est débutant, on a un plan, en fait. C'est-à-dire, on attaque une pièce, on en attaque une autre, mais bon, c'est facilement éventé après à haut niveau. Et après, évidemment, les plans deviennent plus subtils, plus élaborés. Et voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir réaliser son plan. Alors, soit sans que l'adversaire s'en aperçoive, ou alors en créant des menaces de son côté pour justement qu'il soit occupé à ça. Et par exemple, donnez-nous un exemple de menace. On va faire, disons, avancer d'une case à la fois pour, par exemple, replacer un cavalier, c'est souvent le cas. Et ce cavalier, en même temps, menace le roi adverse. Et donc, du coup, on gagne un temps pour achever ce plan. Est-ce qu'il y a une pièce avec laquelle vous êtes particulièrement à l'aise ? Je suis le plus à l'aise, en fait, quand il n'y a plus que les pièces lourdes sur l'échiquier, donc les dames et les tours. C'est à ces moments-là que je maîtrise le mieux la position. Pourquoi ? J'ai pas vraiment d'explication, en fait. C'est surtout inhérent à mon style de jeu, mais c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer comme ça. Les pièces lourdes, a priori, ce sont celles que le débutant a le plus de mal à maîtriser ? Pas forcément. Après, disons qu'il y a un problème chez les débutants, c'est que... Enfin, un problème... Une très bonne idée, c'est qu'il va amener sa dame très vite dans le camp adverse. Et en fait, la dame, c'est la pièce la plus importante, donc c'est également la plus vulnérable. Et donc, si on évente ces menaces, après, on va pouvoir repousser la dame et gagner 3 ou 4 temps, et puis pouvoir mener les plans à bien par la suite. This was suspense beyond anything the world of chess had ever known. Garry Kasparov, 34 years old, a cheerful and confident player throughout a dominating career, hovered over his pieces in the deciding game of a match with an implacable challenger. Deep Blue, a computer. Une bonne manière d'échouer, c'est de jouer contre un ordinateur, parce que lorsque vous jouez contre un ordinateur, c'est comme ça que vous avez débuté aussi, mais à l'époque, les ordinateurs étaient moins puissants qu'aujourd'hui, Maxime Vachier-Lagrave. Un ordinateur, évidemment, il est indifférent à vos pressions psychologiques, au temps que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Qu'est-ce qui change dans votre jeu lorsque vous disputez une partie contre un ordinateur ? Déjà, je sais que la fin de la partie ne sera pas bonne pour moi, puisque ça fait bien longtemps que les ordinateurs sont complètement, en termes pratiques, invincibles face aux humains, pour faire simple. Donc à partir de là, déjà c'est de plus en plus rare que je joue contre un ordinateur, c'est va être plus vraiment un outil d'entraînement pour moi. Et lorsque vous entraînez, comment vous entraînez-vous ? Est-ce que vous prenez des bibliothèques d'ouverture ? Est-ce que vous prenez un certain nombre... deux parties, comment faites-vous ? Alors, c'est un mélange de tout ça. Donc, il y a des bibliothèques d'ouverture qui nous permettent, déjà forcément, au fur et à mesure des parties que j'ai jouées, de l'expérience que j'ai acquise, je connais certains fondamentaux dans les débuts de partie. Je vais m'inspirer alors à la fois des parties récentes et moins récentes pour voir ce qui a été essayé, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et les logiciels qui vont me permettre justement de débroussailler le terrain, de pouvoir évaluer des positions plus rapidement et plus efficacement. Vous lisez beaucoup ? Je lis assez peu. Alors j'ai lu beaucoup de manuels d'échecs quand j'étais plus petit. Maintenant c'est très épisodique. Vous regardez beaucoup de parties ? Je regarde beaucoup de parties, oui. Je regarde en général toutes les parties de l'élite qui se jouent. Au fur et à mesure qu'elle se joue, en fait, je les suis quand je suis à la maison. Évidemment, pas pendant les 6 heures de jeu, mais je vais pouvoir suivre un peu ce qui s'est développé au cours de la journée. Je regarde les parties en 10 minutes, hein, pas plus, mais pour voir ce qui s'est joué, s'il y a des parties intéressantes à regarder. Et quelle est votre capacité de mémorisation sur une partie ? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de me raconter une partie et de me rappeler les mouvements des pièces ? Oui, ça sans problème. C'est-à-dire qu'une partie que j'ai jouée il y a, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, je vais pouvoir généralement rappeler ce qui s'est passé exactement, tous les coups qui ont été joués. Oui. En guise de conclusion, Maxime Vachier-Lagrave, si vous deviez donner des conseils à un débutant ou un non-débutant d'ailleurs pour progresser aux échecs ? Déjà, la première des choses, c'est de jouer. Il faut jamais avoir peur de se lancer. Et voilà, il faut jamais avoir peur. Et donc, il faut jouer, il faut perdre pour progresser. Il faut se confronter à des personnes plus fortes. Une des seules choses à retenir, au final, c'est de jamais avoir peur. Je pense que la peur est l'ennemi du joueur d'échecs en général. Maxime Vachier-Lagrave, joueur d'échecs, c'est votre livre publié aux éditions Fayard. Superfell a été foiré par Anaïs Isebaer, à la technique Emmanuel Morse-Duncan, également le ratage d'Alex Fougeron à la réalisation et de Jean-Christophe Francis. Superfell.